Ouais, c'est la 2 là. Ouais, c'est la 2 là. Je rencontre des lireux. Je leur arrive pour garder l'ivresse. Tu prends ton star au dérivé. Et qui fait jour au truc à délivrance. C'est trop sauf tu l'as senti mec. À 15 ans sur le terrain j'envoie mes sentiments. Toujours le dos levé plus loin d'un centimètre. Pas de chance à tes yeux j'ai plus la santé moi. Je les prends pas à 10. Fermez les yeux c'est une part douce. Pas prêt de partir. Je demande pardon. Ma caisse qui part dose. Tu sais que j'ai carburé. Je reprends le chemin de la maison quand je vais t'arpurer. Trop victime au-dessus du tabouré. Je suis en face ça t'es pas fini tout terpuré. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rapale de Yankee à leur tête qui gêneur. On se prend les rétros, les haines qui génèrent. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rapale de Yankee à leur tête qui gêneur. On se prend les rétros, les haines qui génèrent. Je regarde pour toi, j'ai pas le con, j'ai pas le son. Des fois je m'en défonçais le son, je faisais le tour. Je regarde pour toi, j'ai pas le con, j'ai pas le son. J'ai pas ton temps. Je me dis j'ai trop zoné. C'est qu'il est chelou. Si pour moi il est pas content. Ça me dit si mal. Il est chaud. Putain il est pas coté. Sur un scooter bourré. Tu dois revenir du bac à deux. J'arrive donc. Dis ça quand t'es mort. Si tu fais bac à feu. Tu m'as trop chaud. Belle et bien maintenue. Rien qui parle maintenant. Un gros droit comme un matelas. Faut que ça va ce qu'il y a dans le contenu. J'ai fait son matelas. Pour le savoir la maintenue.